Audiomatique. Pour amorcer la transmission 279 d'Audiomatique, vous avez pu entendre l'artiste islandaise Björk et sa composition Mouth's Cradle de son album Medulla, paru en 2004 et qui, à travers son dépouillement, laisse la place à l'humain et tout particulièrement à sa voix. Les sons prennent de l'amplitude dans l'environnement. Leur élasticité leur permet de voyager dans des espaces finis. Leur plasticité texture les ondes sonores. Leurs pulsions se transforment en rythme. Leurs harmonies et leurs disharmonies s'agencent en un tout. Et ainsi naît une composition sonore. Thank you. Toujours à Audiomatic, nous venons de terminer cette séquence avec une composition de Rapoon, le projet de Robin Story, membre fondateur du défunt groupe Zoviet France. La pièce que nous avons entendue, soit Set Me Free, se retrouve sur l'album intitulé The Library of the Dead. Pour cet album, la chanteuse de folklore russe Tatiana Toloka Stepchenko a enregistré quelques pièces a cappella exclusivement pour Robin Story, qui les a ensuite coupées, manipulées et rééchantillonnées pour créer les 17 compositions qu'on retrouve sur cet album The Library of the Dead. Avant Rapoon, c'était l'artiste Robert Rich et la pièce Steel Harmonix, enregistrée lors d'un concert à Pasadena, en Californie, en mai 1998. On peut trouver cette pièce sur l'album triple Humidity, qui regroupe 3 concerts de Robert Rich. Maintenant, à Audiomatic, nous vous offrons la musique du groupe danois Limp. Thank you. Pour clore cette séquence musicale à Audiomatique, nous vous présentions la formation écossaise Mogwai et leur composition Mogwai Fear Satan, ici remixée par Music, le projet de l'artiste anglais Mike Paradinas. La version originale de la pièce Mogwai Fear Satan se retrouve sur le premier album de Mogwai, intitulé Young Team, et paru en 1997. Et pour débuter, il s'agissait du groupe danois Limp, de qui nous entendions la pièce titre de leur seul album Orion, lancé en 2002. Audiomatique se poursuit maintenant sur la musique de Martin Nonstatic. Thank you. Nous venons d'entendre le projet Recondite et la pièce Wire Threat tirée de son tout nouvel album intitulé Dwell. Et avant, on écoutait l'artiste hollandais Martin Van Rossum qui compose sous le pseudonyme de Martin Non-Static de son plus récent album Ligand, nous vous faisions jouer la pièce Variegation. Ce sera le défunt groupe anglais Catherine Wheel qui viendra mettre un terme à cette transmission 279 d'Audiomatique avec leur chanson Fripp de leur deuxième album intitulé Chrome, sorti en 1993. L'histoire sonore d'Audiomatique se poursuivra mercredi prochain dès 17h avec la transmission 280 diffusée en direct sur les ondes de CFOU 89.1 FM. Et pour accéder aux archives d'Audiomatique, il vous suffit de vous rendre sur nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-CFOU. Voici donc Catherine Wheel et la pièce Fripp. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Pillowcase in my bed, for heaven's sake. Tomorrow.